他， Alors ça, c'est un mot formidable. 他，pousse vers coucher, comme si quelqu'un cognait de grands coups à la porte. 他。 Alors ça, je l'appelle le mot deux en un, car il peut signifier il ou bien elle. Ta pousse vers coucher. Alors, comment direz-vous il? Ta. Et elle? Ta. Donc, comment diriez-vous il est chinois? Il Ta. est Shi. Chine Zhong Guo. personne. 人，他是中国人。 Alors, elle est chinoise. Alors, en chinois, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Les mots ne changent jamais au féminin. Donc, chinois se dira exactement comme chinois. Alors, voyons. Elle 他 est 是。 Chine Zhong Guo personne. Ren Ta Shi Zhong Guo Ren. Alors en chinois, le mot pour tous ou tous les deux se dit Do pousse vers coucher. Do. ça, hein, comme dans la toboggan. Tous les enfants aiment faire du toboggan. Donc le mot tous se dit Do. pousse vers coucher. Do. Alors le mot pour et, et, se dit He. Doigt bleu levé. He. Alors comment dites-vous et en chinois? He. He. Un, qu'est-ce que tu dis? Un. Alors comment dites-vous et? He. He. Hein, ça fait un peu comme dans are. Alors, pour dire toi et lui êtes tous les deux chinois, sachez que toi se dit comme tu. Donc, tu ou toi. Ni, toi, ni, élu, êtes tous les deux chinois. Oui, c'est-à-dire tu et il, tous être chine personne. Alors, dites d'abord toi. Ni Et he il ou lui, ta tous ou tous les deux, do êtes shi Chine, zhong guo personne. ren he dites-moi tu ni. Oui, la phrase entière est Ni he ta dou shi zhong guo ren. Alors, toi et moi sommes tous deux chinois. Alors bon, d'abord, tu ou toi. Ni Et he je ou moi. wo Tous les deux. do Sommes. shi Chine. zhong guo Personne. ren ni he wo dou shi zhong guo ren. Alors maintenant, elle et moi sommes tous les deux chinois. Elle ta et he je ou moi, wo tous les deux, do sommes shi Chine, guo. Personne. Ren. Ta he wo dou shi zhongguo ren.